Bon, et maintenant, tous ensemble. Vous venez avec nous? Allons. Bien sûr, l'aventure continue. Maintenant, je fonce, Alphonse. Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne. C'est un pays grand comme trois fois la France pour une population 22 fois moins importante. 3 millions d'habitants seulement pour peupler ce grand espace, encadré par la Chine au sud et la Russie au nord. Bienvenue en Mongolie, le pays du ciel bleu et des steppes. Marc Allot, archéologue devenu éditeur, est tombé éperdument amoureux de la Mongolie. Il a parcouru à pied en tous sens, de la frontière chinoise aux marches sibériennes. Il a traversé les prairies centrales et orientales, mais aussi l'interminable désert de Gobi et les confins montagneux et boisés. Il est allé à la rencontre des Mongols, a vécu sous les yourtes des éleveurs nomades, pris part aux tâches pastorales, aux fêtes et aux migrations saisonnières. Ses aventures et ses rencontres lui ont inspiré plusieurs ouvrages, dont « Sous les yourtes de Mongolie » ou encore « La vertu des steppes », tous deux parus aux éditions Transboréales. Aujourd'hui, Marc Allot passe par notre bivouac pour nous raconter ce que ses 20 années de passion et de voyage au pays du ciel bleu lui ont appris. Et en fin d'émission, retour en France et plus particulièrement en Bretagne avec Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac. La Mongolie, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est un pays où on retourne forcément. Oui, parce que si on n'y retourne pas, on est très malheureux, on y pense toujours. Et c'est un pays à l'éternelle juvénilité. Les gens sont juvéniles là-bas. Et je crains toujours pour eux parce qu'ils sont entre deux. C'est un pays extraordinaire qui est quasiment vierge, entre deux grandes puissances. Et j'ai toujours très peur pour eux parce que ce sont des gens merveilleux et c'est un endroit préservé, un des rares endroits préservés encore sur la Terre. Marc Allot, des témoignages de gens émus au point d'en bafouiller en parlant de leur amour de la Mongolie. Vous vous retrouvez un peu dans ces quelques bribes de témoignages? Oui, oui. Et d'ailleurs, en venant à la maison de la radio, en traversant Paris grâce à vous, je ne voyais quasiment personne en ce beau mois d'août et il faisait quasiment aussi chaud que dans le désert de Gobi. Alors oui, je me trouvais en Mongolie. Ah oui, carrément. Oui. Alors, on est quand même un peu loin des paysages de steppe. Mais d'ailleurs, c'est en France, hein, votre premier contact avec des paysages de steppe et ce qui a un peu façonné votre goût pour ces paysages, c'est en France que vous l'avez vécu. Où ça? Oui, dans le Massif central, et pour vous dire la vérité, à l'adolescence, plutôt que de consacrer mon temps à courir les filles, je l'ai perdu sur les chemins de France et de Navarre, en dormant sous les porches d'église et en traversant les montagnes, dont le Massif central et le Cosmejan. Ce plateau à cheval, sans faire de mauvais jeu de mots, à cheval entre l'Aveyron et la Lozère, un plateau calcaire, et c'est le seul écosystème de steppe en France. C'est là aussi qu'a été réintroduit le cheval de prévention. Valsky, ce petit cheval qui s'était éteint à l'état sauvage en Mongolie dans les années 60. Ouais. Voilà. Mais juste à côté d'ici, hein, je visitais récemment le Palais Royal et j'apprenais qu'au 18e et 19e siècle, l'endroit était si sale et si mal fréquenté avec des prostituées qu'on l'appelait le camp des Tartares. Oui, c'est ça. Allez, autre lieu. Alors, c'est quand même en France que vous avez développé cette passion pour ces paysages de steppe avant même d'aller en Mongolie. C'est vraiment sur ce Cosmejan, ce plateau calcaire, ces paysages de steppe que vous est venue l'envie d'aller là où la steppe est plus grande? Oui, il y a, comme vous le disiez, une sorte d'esthétique, de douceur, de sensualité dans ce paysage qui n'est que courbe et qui ne doit sa beauté qu'à l'angle avec lequel, au lever ou au coucher du soleil, la lumière va frapper cette étendue d'herbe. Pas de forêt, pas de chaos de rochers, mais simplement des courbes, des collines, de temps en temps une combe et où on décide le temps d'un bivouac de s'arrêter. Et effectivement, j'ai eu ensuite envie de voir plus grand et de vivre surtout plus fort. Ouais. Et cela grâce à la marche. Ouais. Avant d'y aller en Mongolie, vous vous documentez. Il y a une sorte d'attrait un peu instinctif. Vous avez envie de vous renseigner sur ce pays. Vous rencontrez des ethnologues. Moi, j'ai été sensibilisé un peu comme Claire Nouvian tout à l'heure, par Théodore Monod, à ces étendues ou à ces océans que sont les déserts. finalement, grâce à Monod. Et ensuite, des différents écrivains voyageurs m'ont fait prendre conscience que la marche que je pratiquais doit aussi être une démarche, elle doit nourrir l'esprit et pas seulement alimenter le muscle. Et donc, 2 ans avant de partir, j'ai décidé d'aller rencontrer, alors de manière très naïve, en simple voyageur, les anthropologues qui travaillaient sur le sujet. Ils m'ont accueilli de manière très généreuse et m'ont prêté des ouvrages pendant 2 années, ce qui m'a permis de partir avec la tête un peu moins vide. Oui, alors voilà, mais justement, c'est le risque. C'est-à-dire qu'en 2001, vous franchissez le cap. Après, vous êtes documenté pendant 2 ans d'avoir rencontré, discuté. Vous y allez en Mongolie. Mais le risque immense quand on a tant fantasmé un pays, c'est que quand on arrive, on risque d'être déçu. Oui et non, dans le sens où, à mes yeux, la lecture aiguise le regard plus qu'elle ne donne des œillères. Ouais. Et je trouve que assister à un concert, écouter une lecture de conte, lire un livre, prendre connaissance d'une émission radio, va aiguiser le regard et va décapiter les mythes, tout simplement. Mmh. Donc je suis parti là-bas avec une connaissance lacunaire de la Mongolie et du nomadisme, mais aussi avec une ouverture d'esprit et notamment un intérêt pour sa capitale, Oulan-Bator. Ouais. Alors, première arrivée, de toute façon, on arrive par Oulan-Bator, hein, si on arrive c'est en avion. C'est la porte d'entrée du pays. C'est la porte d'entrée, même si elle n'est pas au bord, hein, elle est au centre. Quel est le premier regard, le premier contact avec ce pays tant désiré? Alors, c'est Oulan-Bator est une capitale qui, de ce pays de 3 millions d'habitants, vous le disiez, en regroupe quasiment un tiers, ce qui est absolument gigantesque. Ouais. C'est la seule métropole du pays. Elle est située sur l'axe entre Pékin et Moscou, l'ancienne route du thé. Donc, elle a une histoire, une ancienneté. Ça n'est pas une ville sortie de rien. Ce sont les nomades eux-mêmes qui l'ont créée. C'est important. C'est une ville bruyante, fatigante, très polluée. En hiver, une fois et demie plus que Pékin, vous imaginez. Ouais. C'est une ville poussiéreuse, etc. Mais c'est aussi une ville d'un dynamisme époustouflant, notamment par sa scène artistique, sa scène culturelle. Et puis ensuite, promenez-vous dans les rues et vous passerez à côté d'un monastère du 18e, puis d'une barre d'immeubles brejneviennes, tout en angle droit et en béton. Et juste à côté, encore, un building de verre et d'acier avec une banque australienne. Donc c'est vraiment une capitale fabuleusement intéressante. Alors on aura l'occasion d'y revenir à Oulan-Bator dans la fin de cette émission, mais c'est avant tout votre passion pour la marche. Vous aviez envie de marcher, d'éprouver la steppe, ces paysages très arides, très rudes, et de le faire à pied. Vous partez pour 6 mois et vous commencez par le désert de Gobi. Ben oui, c'est la splendide naïveté de la jeunesse. J'ai 42 ans, j'en avais 26 lors de mon premier des 8 voyages que j'ai effectués là-bas. Et puis effectivement, quitte à commencer dur. Pour moi, la marche est avant d'être une itinérance, c'est un engagement. Et puis tous les grands voyages commençant par de petits pas. On commence cela assez facilement. Et puis plus on plonge dans ce désert de Gobi, le plus vaste désert d'Asie, plus ça devient difficile, mais oui. En même temps, plus ça va vous mettre, plus ça va vous rendre disponible et vous rendre attentif aux autres. Ça a l'air effectivement assez rude, assez difficile ce parcours. Un extrait de votre livre, hein, Sous les yourtes de Mongolie, aux éditions Transboréales, lu par Mathieu Aoued. Qui sonde les entrailles du Gobi ne peut en admirer niaisement les paysages. Ils se sentent encerclés, dépouillés, décharnés par eux, happés par leur hostile physionomie, décontenancés par l'absence d'homme, concassés par le gigantisme de l'intervalle qui le sépare du firmament. Où qu'ils lèvent les yeux, les empreintes s'effacent et les corps s'évanouissent sous la brûlure du soleil, le vent des steppes ou le bec des vautours. Même l'herbe ne résiste pas. Elle se consume l'été, givre en hiver, roussit au printemps. Le gel effrite les roches et le sable se disperse. La mort paraît omniprésente. Je me demandais qui, hormis les défunts, pouvait se reposer dans le Gobi. Cela dit, quand le vent se taisait, j'éprouvais dans le soudain mutisme du désert une douce sérénité. Un mélange d'excitation et d'effroi laissait alors mon cœur battre librement. Toutefois, ces rares instants finissaient vite avec le retour des bourrasques. Le Gobi meurtrit les chairs et l'esprit pour l'éternité. Extrait de votre livre Marc Allot, Sous les yourtes de Mongolie, paru aux éditions Transboréales. C'est beau, mais c'est rude. On a vraiment l'impression que vous avez vécu une épreuve en traversant ce désert. Alors, les Mongols ont un proverbe qui dit « Gazar khatu tengel tenger hol ». C'est-à-dire, la terre est dure, le ciel est loin, le ciel est haut, pour dire que la vie est peuplée d'embûches. Effectivement, dans le désert de Gobi, surtout lorsque j'y étais en 2001, le pays et la région sortaient de ce qu'on appelle des dzuds, des sortes d'épisodes climatiques très difficiles au printemps ou à l'hiver, le froid, la neige, etc., qui font tomber le bétail par millions. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir, hein, à ce que vivent les éleveurs. D'où cette évocation un peu macabre d'un paysage sombre, etc., obscur, au ton légèrement accentué par la musique. Oui. Mais oui, effectivement, pour le jeune voyageur que j'étais, c'était une épreuve. Et en même temps, c'est très certainement, quand on s'engage dans le désert, ce qu'on est venu chercher. Ouais. Vous ne faites pas un voyage, le voyage vous fait, disait ouais. Nicolas Bouvier. Effectivement, c'est ce qu'on cherche. Oui. Alors, c'est vrai, vous avez raison, certainement qu'on a un peu appesanti encore votre texte avec la musique. Mais très honnêtement, c'est comme ça qu'on l'a lu dans l'équipe. On l'a trouvé très beau, mais et dans un autre livre de vous, La vertu des steppes, vous dites « Mon premier contact avec la steppe s'est apparenté à une morsure. Dès le troisième jour, une tempête de neige rendit ma tente inutilisable. » Vous dites aussi un peu plus loin « Aux yeux de celui qui foule la steppe, tout se passe comme si le but s'éloignait constamment. » On a l'impression un peu d'un supplice que vous êtes allé vivre là-bas. Quant aux épreuves, oui, effectivement, c'est un passage obligé pour celui qui, à pied, à cheval, à vélo, traverserait ces étendues. Et puis, souvenez-vous du film Les Chemins de la Liberté, inspiré du livre de Slavomir Ravix, cet évadé polonais qui fuit le goulag et file jusqu'en Inde. Et vous comprendrez effectivement la difficulté du Gobi, même si dans ses œuvres, il est fantasmé. Et quant à l'horizon qui s'éloigne presque à chaque pas, ou qui du moins jamais ne se rapproche, là au contraire j'y ai trouvé une beauté, une poésie. C'est-à-dire que de même que au milieu de cette immensité, dans des paysages où visuellement à 180 ou 360 degrés il n'y a absolument rien d'autre qu'une étendue herbeuse, vous ne vous orientez que de manière floue avec votre boussole et votre carte, mais il y a une certaine sérénité à gagner là-dedans. On ne cherche plus à savoir si on est à l'angle du sentier ou au milieu du bosquet. Voilà. On est dans la steppe. Ouais, on est le matin, le midi ou le soir, et ouais, cela suffit. Ouais. Vous avez de l'eau, vous n'en avez pas. Vous avez une tente où elle a disparu. Notre tente avait été emportée. À partir de là, 6 mois durant, nous avons dormi à la Belle Étoile et dormi chez les gens. C'était finalement fabuleux. Ouais. Chez les gens, quand il y en avait, parce que très faible densité de population. Alors, pour ce premier voyage, vous étiez à deux, hein, avec un ami. En plus d'être confronté au climat et aux éléments, vous êtes confronté à la solitude aussi dans cette steppe. Oui, alors solitude relative, puisque nous étions comme dans ce studio 2, et effectivement dans le désert de Gobi, il y a moins d'un habitant au kilomètre carré. Autrement dit, vous et moi, Daniel, occupons 2 kilomètres carrés de désert de Gobi à nous seuls. Ouais. Donc solitude relative, puisque vous êtes avec votre ami d'enfance, votre compagnon de marche, et même à deux, même en binôme, finalement, vous reconstituez une petite société qui vous tire des plus mauvais pas. Et puis surtout, il y a cette capacité qu'ont les terres mongoles à n'être que peu peuplées, mais l'habitat et puis les populations étant dispersées, pratiquant un pastoralisme, un élevage extensif, vous rencontrez parfois, après des jours de solitude et d'isolement, une petite yourte, un campement, une famille avec qui vous allez partager un moment merveilleux. Ils n'étaient pas surpris, justement, les habitants, les quelques rares habitants que vous croisiez, de vous voir arriver dans ce pays du cheval où tout le monde évolue à cheval ou en voiture, de vous voir arriver à pied. Alors, à pied au pays du cheval, oui, bien sûr, on passe pour un fou début. Si vous avez pris la peine d'enrichir votre vocabulaire de mongol, voire, comme j'essaie de le faire depuis quelques années, d'apprendre la langue, alors en communiquant avec les gens, vous leur ferez comprendre que chacun des mètres, chacun des kilomètres que vous avez parcourus durant la journée de marche, vous vous en souvenez. Vous vous souvenez du nom de la rivière que vous avez traversée. Vous vous souvenez avoir vu derrière la colline qui est là-bas un ovo, un empilement rituel, un troupeau de chameaux avec 2 chameaux blancs. Ce sont les chameaux qu'ils cherchent. Voilà, tout un tas de choses qui vont leur permettre de voir que plus qu'un conducteur de moto ou de voiture, vous avez vu, vous avez senti le paysage. Mmh. Alors vous passez pour un fou les premières minutes, puis ensuite pour quelqu'un d'amusant, et ensuite ils s'aperçoivent que vous vous enrichissez du paysage. Mmh. Et ça c'est formidable. Mais oui, cassons aussi le mythe, les Mongols ne se déplacent plus que ponctuellement à cheval. Quand ils le peuvent, c'est à moto. Pour les plus riches d'entre eux, riches entre guillemets, en voiture. Mais le cheval reste un véhicule formidable qui n'a pas besoin d'essence. Mmh. Et la marche à pied, au-delà du fait que pour les Mongols, c'était aussi, après avoir discuté avec vous, l'occasion de vous manifester un certain respect, un certain intérêt, une fois qu'ils avaient vu que vous aviez vraiment pris le temps de regarder leur paysage. Vous, de toute façon, vous vouliez y aller à pied. C'est votre moyen de locomotion de prédilection. C'est le moyen le plus lent. Donc qui laisse le temps de regarder, de s'arrêter. Même à cheval ou même à vélo, on ne s'arrêtera pas à chaque mètre pour cueillir une fleur, pour ramasser un fossile, pour étudier un éclat de silex. À pied, vous le ferez. À vélo, dans une montée, vous ne vous arrêterez jamais. À pied, vous le ferez. À vélo, vous aurez toujours tendance, ou à cheval, à pousser jusqu'au village d'après. Lorsque vous êtes avec votre sac sur le dos, vous vous endormez là où la fatigue vous accable et la journée s'arrête là. Voilà. Autrement dit, vous avez conscience de chaque kilomètre, vous avez conscience de la richesse de chaque effort et de la récompense de chaque rencontre. Ouais. Marc Allot, vous allez nous emmener à la rencontre des éleveurs nomades et des chamans, nous raconter comment s'organise la vie sous les yourtes de Mongolie. Le temps d'un bivouac avec vous dans les steppes mongoles sur France Inter. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Mon ami la rose, c'était Natacha Atlas sur France Inter, le temps d'un bivouac. Alors on est à l'intérieur d'une yourte traditionnelle mongole, et comme partout en Mongolie, la porte est dirigée vers le sud. Dès qu'on rentre, il y a un lit sur la droite, c'est réservé à la femme avec tout ce qui concerne la cuisine. Sur la gauche, c'est la partie de l'homme avec le lieu où il reçoit les invités. Sur le fond, un temple où on peut prier les dieux mongols. Au milieu, deux piliers qu'il ne faut surtout pas traverser, ça porte malheur. Et autre petite chose à noter, il ne faut surtout pas siffler dans une yourte, ça attire les mauvais esprits. Extrait du blog Ticket to Ride, expédition en Mongolie, sous les yourtes mongoles, sous les yourtes de Mongolie. C'est le titre de votre livre, Marc Allot, aux éditions Transboréales. Alors, est-ce que ça ressemble vraiment à ce que l'on vient d'entendre là, ou est-ce qu'on a une vision un peu trop cliché de la yourte mongole ? Non, ce qu'il y a d'intéressant à retenir, c'est que cet habitat à pièce unique, c'est un chef-d'œuvre des nomades d'Asie centrale, c'est une tente à pièce unique, circulaire, du bois, du feutre, rien d'autre. Elle est organisée par des principes. Voilà ce qu'il faut retenir. Ouais. Alors, quels sont ces principes ? Alors, globalement, pour faire simple, la moitié droite en rentrant, moitié féminine, la moitié gauche en rentrant, moitié masculine. Et plus nous avançons vers le centre, c'est comme si nous gravissions une échelle sociale. Ah oui ? Plus on trouve des gens importants et des gens âgés, généralement. Ouais. Mais alors, quelle taille elle fait, cette yourte, pour qu'il s'y passe tout ça à l'intérieur ? Elle fait un peu la taille que vous voulez, dans le sens où c'est un habitat démontable et dont on peut ajuster finalement le diamètre en ajoutant des parois, des murs sur les côtés. Ouais. Donc on y vit en famille, ça peut abriter plusieurs familles. Généralement, c'est une famille, la famille nucléaire, le couple avec ses enfants, parfois une personne âgée ou les parents. Et on n'hésite pas à installer une deuxième, une troisième yourte, soit à l'année, soit selon les saisons. C'est parfois des cousins, etc., qui vous rejoignent pour mieux travailler pendant la tonte, la traite, etc. Et dans ce cas-là, c'est un campement de deux ou trois yourtes. Mmh. Alors, pas besoin de frapper avant d'entrer. Mais si on est un inconnu, quand même, on risque de se frotter aux chiens de garde. Voilà. En tant qu'occidental, naturellement, j'étais gêné lorsqu'on m'a appris que je ne devais pas frapper à la porte de la yourte. Heureusement, on est toujours annoncé par les chiens, qui sont non pas des chiens de mouvement de berger, mais des chiens de défense. Mmh. Donc, que les voyageurs se rassurent, ils seront chargés par les chiens et du coup annoncés aux propriétaires de la yourte. Moyennement rassurant, mais d'ailleurs, il y a même une expression quand on s'annonce. On dit retenez les chiens. Exact. Mais c'est une formule toute faite Tout à fait. C'est une sorte de formule de politesse, comme on dirait il y a quelqu'un. Vous voyez. Voilà, c'est ça. Mais en vérité, il n'y a pas besoin de la prononcer, dans le sens où 200 mètres avant la yourte, les chiens vous chargent et vous commencez de ramasser des cailloux pour les chasser. Ouais. L'hospitalité des Mongols est-elle une réalité ? C'est une réalité. Il faudrait l'expliquer, la nuancer, mais pour faire court, c'est une règle imposée par le milieu. Voilà, dans la steppe, la différence entre avoir un toit et ne pas en avoir, entre avoir à manger et ne pas en avoir, souvent c'est la même qu'entre la vie et la mort. Donc on ne laisse pas quelqu'un dehors. Surtout que la personne que vous hébergez un soir pourra éventuellement être le père ou la mère de la personne qui plus tard vous rendra service. Mmh. On vit chichement, pauvrement dans les campagnes de Mongolie, mais on vit grâce à un réseau de connaissances, de parenté, d'amitié, de soutien qui permet de passer le cap. Oui. Et je crois même que vous avez eu l'occasion de constater cette hospitalité. Justement, c'était après cette tempête de 2001. Hein, vous étiez un peu défait, votre tente avait été complètement détruite par la neige. Et vous arrivez à la porte d'une yourte. Le chien, vous avez certainement accueilli de deux personnes âgées. Voilà, nous arrivons, mon ami d'enfance et moi, chez Yadam Souren et son épouse, qui nous accueillent, qui nous réchauffent. Nous marchions depuis plusieurs heures dans la neige, nous avions froid. Ils réchauffent pour nous deux petits bols de soupe de mouton et de pâtes. Nous les tendent, mon ami et moi, dévorons ça. Et puis ensuite, le couple n'avait en vérité plus rien d'autre à manger. Mmh. Voilà, donc ils nous avaient réchauffé leur portion. Et donc, jamais plus je n'ai oublié ce geste. C'est incroyable. Et jamais plus je n'ai oublié ce proverbe mongol qui dit « si tu bois l'eau d'un pays, suis-en les coutumes ». Ah, donc à partir de ce moment-là, ça m'a encore plus motivé à comprendre ces gens-là ou tenter de les comprendre, parce que la différence culturelle est majeure. Et puis surtout, lorsque je suis là-bas, à essayer non pas de les grimer, de les mimer, de les imiter maladroitement, mais de réagir comme eux. Voilà. Ce qui est un vrai travail dans le sens où ça met aussi ma propre culture en perspective. Ouais. Vous venez de citer ce proverbe, hein, si tu bois l'eau d'un pays, essaye de vivre comme eux. Il y a un petit livre, là encore, alors cette fois-ci c'est sorti chez Géorama, auquel vous avez participé aux traductions et aux interprétations, Proverbes et dictons de Mongolie, c'est assez réjouissant à lire. Hein, j'ai eu la chance de faire ce livre-là avec Charlotte Markina, qui enseigne le mongol à l'INALCO, au Langzhou. Donc nous avons essayé à la fois d'avoir une approche didactique, mais aussi réjouissante en choisissant quelques proverbes croustillants. J'en ai noté un petit, puisqu'on était en train de parler de l'hospitalité en Mongolie. Il y a cette expression toute bête, tu as trouvé l'entrée, n'oublie pas la sortie. Ce qui veut quand même dire qu'on est prié de ne pas s'éterniser. Bon, promis, je sortirai du studio, Daniel. Non, c'était plutôt sur le... Quand vous allez chez eux, à quel moment... vous savez qu'il ne faut pas abuser de leur hospitalité. Alors, sans que ce soit une règle majeure, aux périodes précédentes, on considérait qu'après 3 jours, une personne devait comprendre qu'elle n'était plus vraiment la bienvenue, ou il était temps du moins qu'elle reprenne le chemin. Mmh. Voilà. Alors, vous avez évidemment fait connaissance avec des nomades, des éleveurs nomades. Là aussi, vous êtes allé au-delà du cliché ou de la représentation peut-être que vous en aviez. D'abord, vous vous rendez compte que oui, ils sont nomades, mais ils sont aussi très attachés à leur terre, ils sont très ancrés là, dans les endroits où ils vivent, même s'ils se déplacent. Alors, tout d'abord, avant d'être nomades, ils sont pasteurs. Ouais. Voilà. Et il serait difficile, alors on ne peut pas les comparer aux gens du voyage, mais si on est pasteur, on est ancré, attaché à des pâturages. Ça, c'est la première chose, même si c'est un élevage extensif. Et il y a une notion qui est très, très importante pour les Mongols, c'est quand ils vous parlent du Nutok, ce pays de naissance, ce pays d'origine. On ne sait jamais vraiment si c'est une entité administrative, une région naturelle, le pays, la région, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils en parlent avec cœur. Souvent, c'est là que sont nés leurs parents, c'est là qu'ils mourront, etc. Ils sont attachés à ce... C'est une sorte de sédentarité élargie. Mmh. qui vous fait passer, malgré le mouvement, d'une région à l'autre, d'un campement à l'autre, mais toujours en restant connecté à ce fameux réseau de connaissances. Et vous avez aussi pu constater, dès vos premiers contacts avec les éleveurs nomades, la vulnérabilité de leurs troupeaux face aux intempéries. Vous l'évoquiez dans la première partie de l'émission, au tout début des années 2000, il y a eu un événement climatique qui a décimé les troupeaux, ce qui a eu de graves conséquences pour les éleveurs. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. La vie est riche et nous réserve beaucoup de surprises, bonnes ou mauvaises. Avec Oyuntuya, on s'est mariés en 2000. Un an plus tard, il y a eu un dzoud qui a duré toute l'année. Un dzoud, c'est un phénomène naturel, mais c'est une catastrophe. Il ne pleut pas pendant l'été et il y a énormément de neige en hiver. Pendant des mois, les animaux n'ont presque rien trouvé à manger. On avait 400 moutons. Et à la fin de l'année, il nous en restait à peine une quarantaine. On ne peut rien contre la nature. Beaucoup de bêtes sont mortes à cette période par ce dzoud, cet événement climatique. C'était un extrait de Rendez-vous en terre inconnue que l'on vient d'entendre là. Vous, Marc Allot, à ce moment-là, vous prenez conscience que la vie d'éleveur n'est peut-être pas aussi... idyllique et plus complexe que ce que vous imaginiez. Oui, tout à fait. Alors le fameux dzud que ce monsieur évoque est effectivement celui que nous évoquions tout à l'heure, celui des années 2000, 2001, 2002, qui a vu périr 12 des 45 millions de têtes de bétail. Voilà, quand vous savez que dans ce pays, 2 personnes sur 3 vivaient à l'époque de directement de l'élevage, on comprend la difficulté dans laquelle le pays, les campagnes et les éleveurs notamment ont été plongés. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, la première chose à constater en Mongolie, c'est la rigueur du climat et surtout son caractère imprévisible. Ouais. Et imprévisible, et le gouvernement n'est pas venu en aide. En fait, ils étaient vraiment livrés à eux-mêmes face à ces difficultés. Alors, au tout début des années 90, la Mongolie est sortie de 7 décennies de socialisme à la soviétique, avec une économie collectivisée, des plans quinquennaux, etc. Et un État ultra présent, avec une organisation d'une rigueur exemplaire, voire parfois effrayante, mais qui permettait de secourir les éleveurs menacés par ce genre d'intempéries ou d'épisodes climatiques. Mmh. Et l'État s'étant retiré des campagnes au moment de la libéralisation des années 90, et avec une crise économique, les éleveurs se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Mmh. Certains n'avaient plus accès à de bons pâturages, certains avaient besoin de foin, certains finalement avaient peut-être perdu des savoir-faire aussi. On imagine toujours que l'éleveur nomade vit en harmonie parfaite avec la nature. Certains oui, d'autres un peu moins. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ils ont moins un mode de vie moins prédateur sur leur environnement que le nôtre. Est-ce que vous avez aussi rencontré des chamans lors de vos voyages? Parce qu'on associe aussi beaucoup ces régions au chamanisme. Est-ce qu'il est encore très présent dans la culture en Mongolie? En ai-je rencontré, je dirais que lorsque je randonnais en France, j'avais le privilège aussi de rencontrer des prêtres dans les villages où j'allais, et je dirais c'est presque aussi simple, c'est effectivement moins structuré, puisque le chamanisme s'adapte mal à un pouvoir étatique, etc. Mais oui, c'est une réalité concrète. Voilà. Mmh. Ensuite, ne faisons pas du chamanisme une religion, c'est-à-dire il n'y a ni dogme ni doctrine. Le chamanisme, ou plutôt les chamanismes, comme diraient les spécialistes comme Robert Amaillon ou Laetitia Merli de la question, dépendent finalement d'une personne, le chaman, qui finalement gère les choses. Lui, c'est l'intermédiaire entre notre société et les autres sociétés. Mais vous dites aussi que chez les éleveurs, en tout cas loin de la ville, le chaman, c'est pas une profession. On est plus ou moins, voilà, certains prétendent avoir ces dons-là et ils pratiquent le chamanisme en plus du reste de leurs activités. Ils sont avant tout éleveurs ou épiciers ou voilà, ils ont avant tout besoin de nourrir le corps, et en revanche, ils ont reçu alors ce don ou cette maladie, puisque certains anthropologues parlent de maladie chamanique, et c'est ce qui véritablement définit ou plutôt sépare les chamans de ces régions-là, de ces cultures-là, des chamans autoproclamés de nos régions, en Mongolie, en Sibérie, en Bouriatie, etc. C'est la communauté qui désigne un chaman en reconnaissant en lui certaines, pas malformations, mais des troubles du comportement, des rêves, des choses comme ça. Tandis que chez nous, finalement, on devient chaman après un stage ou une formation. Ouais. Après avoir traversé la Mongolie en tous sens, vous avez ressenti le besoin de vous fixer davantage. Vous avez passé un hiver avec des éleveurs mongols. Vous allez nous raconter cette expérience dans un instant. On se demande par quel miracle ce quelque chose d'un peu magique nous lève, nous tient si ferme. L'espoir absurde d'un monde meilleur, l'émerveillement au quotidien à la vue du ciel et des étoiles, du feu qui nous garde éveillés des nuits entières, la compagnie d'eau de vie et de mort lente, hypnotisée en continu par la musique de toutes les planètes, et des rires et des larmes, et des rires et des larmes, et des rires et des larmes. On se fait croire qu'on vaut mieux que le ressac de l'humanité tout entière. Ne plus croire en rien et s'en aller brouter les inquiétudes ensevelies des mille autres quelque part. Et toujours jeune, on assiste à l'ascension des égos. On avale la jalousie, la gorge pique. On perd des frères et des sœurs et on échange. Blanc-bec, faux soleil, crié d'avance, temps perdu, âme damnée et karma gigantesque. C'était Colosse de Rhodes, chanté par Cyril Cyril dans Le Temps d'un bivouac sur France Inter. Artichaut. Doctor. Doctor, ok. Nous invite dans la maison. D'accord, ben avec plaisir. Vous êtes invité. À vous racheter. Merci. Merci. Voilà, quand on donne quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, oui. On met la main sous la coude, comme ça. C'est le signe de respect. Donc moi, je dois mettre ma main sous mon coude, ou c'est celui qui donne? Les deux, normalement. Les deux? Ou bien tu peux recevoir avec les deux mains. D'accord. Tu tiens le métro, donc ça va. C'est ça. On n'a pas trois mains. On n'a pas trois bras. C'est du thé avec... C'est le thé au lait. Ah. Des sonorités que vous avez dû entendre, Marc Allot, en buvant le thé sous les yourtes de Mongolie. Le chant a une place très importante dans la culture mongole et notamment dans les steppes. Oui, alors le chant qu'on entend là, c'est un chant diphonique et on pourrait l'écouter en France, puisqu'en France, nous avons Joanny Curté, qui est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du chant diphonique, donc pas utile, encore une fois, d'aller très loin de notre camp des Tartares pour entendre ça. Et oui, effectivement, c'est notamment en buvant le thé qu'on peut entendre ces sonorités. Le thé est important, puisque c'est un peu comme chez les Touaregs, un passage obligé. C'est un peu l'huile dans la mécanique des relations humaines. Vous voyez, il n'y a pas de rencontre sans partage de l'alimentation et surtout du thé, qui précède et qui suit le repas. Et comme c'était expliqué dans le son que nous venons d'entendre, il est généralement, ça n'est pas un thé noir. Par noir, ça ne définit pas la plante, le traitement de la plante, mais c'est un thé sans lait. Voilà, un thé généreux, c'est un thé blanchi avec du lait, de la crème, etc. Et pour revenir à la musique est présente dans différentes actions, notamment pour la traite, parce que ce lait qu'il faut mettre dans le lait, on va le chercher au pied des bêtes. Dans la traite, il y a des chants qui accompagnent ce type d'action, par exemple. Imaginez ma grande sœur mongole, Nara, qui est venue accoucher en France, a surpris toute l'équipe de la maternité. Ouais. Lorsque on lui a mis son enfant dans les bras, elle s'est mise à chanter pour l'accueillir. Ouais. Il y a des chants pour la traite, pour les nomadisations. Certains de nos auditeurs ont peut-être vu le film L'histoire du chameau qui pleure, où un éleveur dont la chamelle repousse le chamelon et refuse de l'allaiter, va au village quémander un musicien, trouver un musicien qui, en jouant de la vielle cheval et en chantant, va émouvoir la chamelle et la convaincre. Donc oui, il y a une place, et surtout ça n'est pas qu'un ornement artistique ou esthétique, c'est aussi une sorte de lien à l'environnement, de lien aux autres. Après avoir traversé la Mongolie à pied en tous sens, hein, plus de 6000 kilomètres parcourus, je ne sais pas à combien de kilomètres, si vous les comptez encore, ces kilomètres que vous avez... Ou 6 ou 7000, mais oui. 6 ou 7000 kilomètres à pied en Mongolie, dans différentes régions, vous avez éprouvé assez récemment, c'était il y a 2 ans, le besoin de vous poser, de passer vraiment du temps au sein d'une yourte, de voir comment se passait un hiver entier avec une famille mongole. D'ailleurs, le livre sortira prochainement, hein, en octobre prochain. Il s'intitule « Ivre de steppe », toujours chez Transboréal. Pourquoi ce besoin de se poser après avoir tant marché? Mais je vieillis, Daniel, je vieillis. Non, vous avez l'air encore en pleine forme. Le voyageur est par essence celui qui passe. Et à force de passer, on passe à côté. Donc il faut savoir poser son havresac, s'asseoir, prendre le temps de discuter, donc d'apprendre la langue. Et puis j'étudiais j'essayais d'étudier la culture, l'histoire de ce pays depuis 15 ou 20 ans. Et la langue était un univers formidable à découvrir. Donc c'est la raison pour laquelle j'essaie de m'y initier et ensuite tout simplement tenter de renouer avec les tâches manuelles qui vous mettent face à ce que vous êtes réellement. La récolte de la bouse combustible, la corvée de neige pour la boisson, la garde du troupeau de 10h à 18h par moins 30 ou moins 40 degrés. Bref, des faits très simples mais qui vous mettent face à vous-même dans la solitude des steppes. Donc, à la quarantaine, c'est bon de temps en temps de pouvoir faire le point. Vous l'avez trouvé comment, cette famille qui vous a accompagné, pour combien de temps? Trois mois. Ce que les Mongols nomment le cœur de l'hiver. Voilà. Pour faire simple, l'hiver mongol débute en novembre, s'achève autour du mois de mars, et les 3 mois les plus froids sont décembre, janvier, février. C'est ceux que j'ai choisi de passer dans l'ouest du pays, à 1300 km de la capitale, chez des gens que je ne connaissais pas du tout, mais qui, encore une fois, grâce à ce fameux réseau de connaissances mongoles, vous permettent d'être en relation et permettent aussi finalement aux députés d'être toujours en contact avec l'agriculteur, avec l'éleveur, etc. de sa province. Et donc, par une amie, par des amis d'amis, des connaissances, etc., on m'a dit qu'une famille acceptait que je vienne passer du temps chez elle. Mmh. Voilà. Je n'ai pas été une seule fois en contact avant le soir où on m'a déposé chez eux. C'était en pleine montagne, en pleine neige, un grand froid, et je n'ai pas quitté le campement, sinon pour les pâturages, durant 3 mois, et j'en suis reparti en pleurant. Comment ça s'est passé? Alors on comprend, hein, vous étiez ému en partant, donc ça a dû bien se passer, mais concrètement la rencontre, hein, vous parlez de mieux en mieux, mais pas complètement couramment leur langue. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Mongols, pour enseigner quelque chose à leur enfant, à leur apprenti, etc., expliquent moins les choses qu'ils ne les montrent. Autrement dit, le jeune enfant mongol, et j'étais relégué au statut d'enfant finalement, à qui on confiait d'abord les tâches les moins importantes, les plus simples, les plus basiques, et puis ensuite à qui on confiait le compte en banque de la famille, ce compte en banque sur pattes, qui est le troupeau. Donc on m'a assez vite fait confiance, et ça c'était un honneur, mais effectivement, on me montrait les gestes, et c'était à moi de les répéter. On me disait ce qu'il fallait dire, c'était ensuite à moi de redire, etc. Mmh. Les Mongols considèrent qu'il faut faire les choses, mais il faut aussi bien les faire. Ils ont un sens de l'harmonie, un sens de l'équilibre, de l'esthétique, et il faut savoir respecter ça. Les éleveurs nomades dont vous avez partagé la vie, ils sont, pour le dire, en voie de disparition, ou ils sont menacés, ou en tout cas leur mode de vie est menacé? Vous avez eu l'impression d'assister aux derniers instants d'un monde qui disparaît, ou encore au contraire très vivant? Alors non, nous n'en sommes pas aux derniers instants d'un monde menacé. Ceci dit, quand on voit que même dans nos contrées, les paysans ont du mal, on imagine que face au raz-de-marée de la mondialisation, des éleveurs de chèvres ont du mal. Ceci dit, ce qu'il y a d'absolument merveilleux dans le pastoralisme nomade, c'est qu'il a, depuis 200 ans, il n'a cessé de s'adapter, et c'est grâce à ça qu'il a survécu. Donc, évacuons l'état d'esprit alarmiste quand on considère les nomades. Mais tout de même, de plus en plus de ces nomades installent leur yourte autour d'Oulan-Bator, dans les faubourgs d'Oulan-Bator, à l'image de cet étudiant qui vient étudier en ville et qui a planté sa yourte dans une des banlieues d'Oulan-Bator. Je suis venu de la province de Dungdobi, dans le désert de Gobi. Ça fait 10 ans que je suis arrivé ici. Je suis étudiant en 3e année de tourisme à l'université. Je vis dans ce quartier de yourtes avec mes 2 sœurs. Comme tous les habitants de cette banlieue, nous sommes des nomades issus de la steppe. On ne plante pas notre tente par plaisir, vous savez. On le fait un peu par tradition, mais surtout le temps de finir nos études et de gagner notre vie. À Oulan-Bator, en tout cas dans les alentours, dans les faubourgs, on voit des quartiers entiers de yourtes, de ces anciens nomades qui se sont sédentarisés. À Oulan-Bator, bien sûr, la capitale du pays, mais aussi autour de toutes les villes et tous les villages. Effectivement, les éleveurs nomades ont eu tendance à se sédentariser, ou une partie d'entre eux, et d'autres au contraire vous diront qu'ils sont très bien à la campagne. Ce que ça illustre, c'est qu'en fait, le pastoralisme nomade est confronté à des enjeux, comme la sédentarisation, mais aussi comme la réduction des distances de nomadisation, comme l'exploitation minière, comme des enjeux plus mondiaux, qui nous disent combien les éleveurs nomades ne vivent pas hors du temps, ne vivent pas sans le progrès. Ils évoluent avec lui. Vous, en 10 secondes, la traversée des steppes, ça a changé votre rapport au voyage ? Mon rapport à l'existence, mon rapport aux autres, je vibre d'une expérience accomplie, j'essaie d'enrichir mon existence, et puis comme nous n'avons que quelques secondes, finissons par un proverbe mongol qui dit « paroles nombreuses, vaches dispersées ». Alors ne parlons pas trop et... Soyons économes en paroles. Merci à vous Marc Allot. Je rappelle le titre de deux de vos ouvrages, on en mettra davantage sur la page de l'émission sur franceinter.fr, « Sous les yourtes de Mongolie » et puis « La vertu des steppes », tous deux sont parus aux éditions Transboréales. Restez avec nous dans un instant. Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard, nous emmène faire un tour en Bretagne. Incredible guy, but I got some incredibly edible eyes. Big and bad enough to end a little life like yours. So go finish up your chores. Go finish up your chores. Villain, you look bored. Grows and twilight goes with nimble toes. The crops and rows designed to know the mortal dose of right and rose. For all the schmoes can't read the prose, just watching shows. Don't catch the throes, don't examine their lives or ever gaze in the fire. And if you're living a lie, you can't be feeling so fine. Cause real folks must hide. Cause so much in this world is fear and money, power and control and pride. C'était Uncle Bill Goes Hi-Fi, chanté par William Z. Villain. La programmation musicale du Temps d'un Bivouac est signée Elsa Béranger. Et nous retrouvons notre routard du mardi soir pour une dernière fois à la découverte des merveilles du monde. Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion. Toujours les valises. Sur France Inter. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai. baiser de Russie, un banco à Bangkok. Le temps d'un bivouac. Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait. Tout. Bonjour Pierre Josse. Bonjour Daniel. Rédacteur en chef du Guide du Routard, vous nous avez accompagné tous les mardis de l'été et pour la dernière, vous avez découvert des merveilles du monde insolites et peu connues. Oui, absolument Daniel. Hiérarchiquement, allez, je dirais au doigt mouillé dans les 30 premières au niveau mondial. Ouais. Et en France, dans le tiercé de tête. Alors, arrêtez de nous faire saliver, dites-nous. Bon, allez, aujourd'hui c'est ma dernière émission, je ne pourrai retenir plus longtemps ma passion pour ma Bretagne et surtout pour le chef-d'œuvre de l'art breton, l'enclos paroissial. Alors qu'est-ce que c'est l'enclos paroissial ? Eh bien c'est simple, un peu d'histoire d'abord. Ouais. Il était une fois au XVIe et au XVIIe siècle, dans les monts d'Arrée, au centre de la Bretagne, des patrons tisserands tellement riches qu'à force de fabriquer les voiles de la marine royale, que pour se faire pardonner, d'exploiter les malheureux ouvriers et paysans bretons, ils leur construisirent les plus belles églises de campagne de France. Mmh. De véritables mini-cathédrales de Reims ou de Paris, dans un style flamboyant ou gothico-renaissance absolument sublime. Et comme chaque village rivalisait avec les autres, eh ben, si un clocher montait à 40 mètres, on se hâtait de monter le sien à 45 mètres, et puis un autre montait à 50 mètres, il y eut ainsi une émulation, une escalade dans le monumental. Mais alors pourquoi enclos paroissial ? Eh, bonne question. Parce que, en plus de l'église, on construisit à l'entrée du cimetière une immense porte triomphale, une espèce d'arche somptueuse abondamment sculptée. On lui adjoignit un esquis ossuaire du même style et cerise sous le coup inanam au centre du cimetière, le célèbre calvaire breton, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Alors, Daniel, parti pris normal, au Routard, on est pas mal de bretons. Hein. Ouais. Bon, l'ensemble est ainsi dénommé enclos paroissial. Et ce qui frappe énormément aujourd'hui, c'est la monumentalité de l'ensemble par rapport à la vingtaine de modestes demeures tout autour. Certains calvaires, tenez-vous, comme celui de Guy Milliot, présentent plus de 200 personnages foisonnant d'historiettes, de scènes hyper travaillées, racontant la vie du Christ et la Passion. Une véritable BD pour la majorité des paysans illettrés. Et attendez, ce n'est pas fini. Exceptionnel mobilier intérieur, baptistère, poutre de gloire, engoulevent, un raffinement incroyable comme à Lampol Guimillot et à Saint-Égonnec. Et mon coup de cœur, c'est le retable de Sainte-Anne dans l'église de Comana. Mais je ne vous savais pas si ouvert à la spiritualité, je découvre pour cette dernière chronique, cher Pierre. C'est tout simplement le plus beau de Bretagne, un baroque fou. Et là aussi, Daniel, j'ai une merveilleuse histoire. En 1675, révolte contre les lourds impôts de Louis XIV. Rappelez-vous, la fameuse révolte des Bonnets Rouges. Et soupçonnant leur curé de connivence avec le pouvoir, les paroissiens le rouèrent de coups et le laissèrent pour mort. Et devant le repentir des paroissiens, amen, il pardonna cependant. Et en remerciement, ces derniers se saignèrent aux quatre veines pour offrir à l'église un magnifique retable abondamment ciselé et polychrome. À propos, pourquoi l'édification des enclos s'arrêta-t-elle au XVIIe siècle ? Encore une bonne question. Tout simplement, Louis XIV précipita le déclin économique de la Bretagne en développant avec Colbert l'industrie nationale de la toile. On dit également qu'empêtré jusqu'au cou dans ses travaux à Versailles et jaloux de la magnificence des enclos bretons, il édicta en 1695 un décret scélérat interdisant en Bretagne toute construction nouvelle sans nécessité reconnue. On y cessa donc toute production artistique de grande ampleur et Saint-Égonnec fut le champ du cygne de l'art breton. Alors, Daniel, pour se consoler, il ne reste plus qu'à aller se perdre dans les sauvages monts d'Arrée, ses landes et ses bruyères, les lieux les plus inspirés de Bretagne. Ça vibre, la terre y frissonne, les cœurs, les esprits chavirent à tout vent. Devant ses yeux, oh ses yeux, j'allais dire, ces cieux déchirés, ces pastels et ces horizons blancs, gris et mauves. Les rocs, ces sommets schisteux, y accrochent sans cesse les nuages, les déchiquettes en lambeaux. Et puis, ils restent accrochés aux hautes fougères. C'est fini, Daniel. Je vous ai déjà quitté. Je suis là-bas, à 400 mètres d'altitude. Je vous comprends, Pierre Josse, et je vous remercie. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique vagabonde, une coédition Hachette Le Routard. Un grand merci à vous, Pierre Josse. C'était un plaisir de traverser l'été avec vous tous les mardis soirs. À l'été prochain. À l'été prochain, peut-être. Merci pour ce merveilleux spectacle. La routine. Demain, à 16h, nous nous intéresserons aux évolutions de la gastronomie française au fil des siècles et à la façon dont les cuisines des autres pays l'ont influencée. Et à 17h, nous irons sur les pas d'un voyageur qui, avant d'être ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, a vécu une vraie vie d'aventurier, André Malraux. À demain donc pour de nouvelles aventures.